Au début, il n'y avait rien. Et Dieu dit lumière. Et la lumière fut. Puis Dieu créa le ciel et son soleil, la lune et ses étoiles, la terre et ses mers. Il fit pousser des arbres, des plantes, des fleurs, et c'était beau. Puis Dieu créa les bêtes, les grosses et les petites, celles qui volent et celles qui nagent, celles qui courent ou qui rampent, et c'était magnifique. Puis Dieu créa l'homme avec de la poussière prise de la terre, et il insuffla dans sa narine un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. C'est ainsi que débuta la plus belle histoire du monde. Waouh ! Tu te rends compte, Flip ? La plus belle histoire du monde ! Et tous les êtres vivants de cette fabuleuse histoire n'ont fait que chercher une chose ! Qu'est-ce qu'ils cherchaient ? Une place de parking ? Une boulangerie ouverte le dimanche ? Non, Flip ! La clé de la vie ! La clé de la vie ? Et elle sert à quoi, cette clé ? Elle ouvre quelle porte ? Je sais pas, Flip. Mais peut-être qu'avec cette clé, je pourrais sortir de l'école quand je veux pour aller me promener avec toi. Je pourrais peut-être aller là où personne n'a le droit d'aller pour découvrir des secrets. Hé ! Si on essayait de la trouver ? Quoi ? Trouver une clé ? Dans un livre ? Mais ça fait 10 fois que tu me la racontes, cette histoire. Y a pas plus de clés dans ton bouquin que d'arêtes dans une dinde. Y a même rien à manger. Même pas une console de jeu. Toi, tu penses qu'à manger, jouer et dormir. Mais dis donc, t'aurais pas plutôt la trouille ? Oh oui, la trouille. De toute façon, si tu viens pas avec moi, je vais la trouver toute seule, cette clé de la vie. Oh, alors là, sûrement pas, hein. Je suis ton nounours officiel, je te rappelle. J'ai été élu officiellement par tous les jouets de ta chambre. Bah, il manquerait plus qu'on me retire ma licence. Bon, ça va, t'as fini ton cinéma? On peut commencer l'histoire? Les deux premiers héros de la plus belle histoire du monde ont bien failli la trouver, cette clé de la vie. Mais une pomme a fait s'évanouir tous leurs espoirs. Mais qu'est-ce que vient faire une pomme là-dedans? Ah bah oui, qu'est-ce que vient faire la pomme là-dedans? Tolly, ne bouge pas. Juste derrière toi, il y a une espèce de Tarzan avec juste une feuille à la place du slip. Qui êtes-vous? N'ayez pas peur, je suis Adam, le premier homme. Adam? Adam de Adam et Ève? Mais d'où venez-vous? De ton livre. Tu disais bien que tu cherchais la clé de la vie. Oh non, Tolly, ça craint, viens, on dégage de là. Tais-toi, Flip. Mais si vous êtes vraiment Adam, où est Ève? Je suis là, moi aussi. Et nous sommes comme toi. Nous aussi, nous avons voulu atteindre un jour la clé de la vie. Mais il y a eu cette maudite pomme que j'ai croquée et qui a tout gâché. Mais nous avons compris une chose. L'amour est le début du chemin. Un chemin qui peut conduire jusqu'à la clé de la vie.